Un mal, chapitre 33. Il se courba dans l'herbe à plat ventre, sa tête dans les poings. La joie l'assommait. Il ruminait les sensations qu'avaient laissées en lui les paroles de la Cougnole. Le crâne battu par leur musique, il était comme un homme ivre et qui cherche à se rappeler le détail des choses. Ses entrailles bouillaient. Il avait une fureur calme qui le torturait délicieusement. Et seul au milieu de ce bois incendié, n'ayant personne avec qui partager son bonheur, il eut des larmes silencieuses. Autour de lui, la terre souffrait pareillement sous l'accablante pesanteur du jour. Le soleil rôtissait les verdures inertes. Les branches, noires au milieu de la lumière éclatante et crue, s'alanguissaient avec des airs d'agonie. Un anéantissement semblait immobiliser les sèves sous la croûte calcinée des terrains. Il avait pour Germaine l'attachement incoercible de la brute. Il l'aimait comme les mâles aiment les femelles, la portant au fond de lui dans ses moelles, ayant la soif et le besoin de ses attouchements, gardant de son contact une ardeur irrassasiée. Et voilà qu'elle lui était rendue après une séparation qui lui avait paru la fin des fins. Ce n'était pas vrai qu'elle avait cessé d'être sa volupté et sa joie. Ce n'était pas vrai que tout était rompu. Des folies lui passaient par la tête, à force de se répéter qu'elle était à lui encore. Il pensait à courir à travers bois, jusqu'à la ferme, à pénétrer dans la cour, à l'arracher à l'inimitié de ses frères. Bête! Et si quelqu'un le reconnaissait? Bah, il prendrait un déguisement, il se barbouillerait le visage, se ferait voûter, casser, chenu, cheminerait de l'air d'un vieux bribeux. Mauvaise affaire, il fallait trouver un autre plan. La voir, tout était là. Petit à petit, une idée germa en lui qui finit par le talonner d'une impatience fébrile. Il ne pensait plus qu'à cela à présent. C'était comme une envie furieuse qui le rongeait. Il s'agitait à terre comme un animal blessé, frappant le sol de ses mains, injuriant le jour qui tardait à décroître. Plein de mépris pour les gloires du soleil. C'est que son idée, pour se réaliser, avait besoin de la nuit, et il supputait les heures comme le criminel qui guette l'approche des ombres, accélérant de son désir le moment du meurtre. Toute sa violence se réveillait devant cette obstination de la lumière à s'alentir sur les pentes du ciel. Il en voulait à Dieu de faire si tardifs les crépuscules. Le soir tomba enfin. Le soleil, comme une braise refroidie, s'éteignit dans les cieux lourds. Un apaisement se répandit sur la surface des bois. Il entendit frissonner les feuillages, une vie sourde remuer dans les taillis. La terre, comme sortant d'une léthargie, se réveillait sur un lit de rosée. Il se glissa dans l'ombre, en rampant. Son fusil ne le quittait plus. Chaque tronc d'arbre pouvait receler un ennemi. Les branches, en se déroulant tout à coup, pouvaient devenir des bras humains. Et il allait, prudent, les oreilles au guet, prodigieusement attentif à la conspiration des choses. Les vapeurs violettes du couchant lentement se dissolvaient dans le bleuissement accru de la lune. Un fleuve de clarté pâle s'épanchait par les chemins, noyant dans leurs ondes la rondeur des arbres. Çà et là, des clairières blanchirent, des lueurs phosphoreuses tremblèrent dans l'épaisseur des feuillets, et béante tout un jour sous la morsure du soleil torride, la création connut la bénignité du soir. Redoutable était cette nuit claire pour lui. La silhouette fugitive des lapins promenait sur la lumière blanche de fauves taches nettement accusées. Il voyait bouger des dos, des reins, des oreilles, sans mystère. Ainsi devait-il en être pour lui-même. Et il redoublait de ruses et de précautions pour n'être pas trahi. Rien pourtant n'indiquait plus la vigilance des hommes dans cette douceur profonde de la nuit. Un murmure à peine perceptible traînait dans les taillis. Puis s'assoupissait, pareil à une haleine. Le vent frôlait les feuilles de chatouille qui, plus loin, se perdaient dans l'immobilité des arbres. Les seuls bruits qu'il entendait étaient le craquement de la terre sèche sous son pied et les pourchats confus des bêtes dans l'ombre. Il gagna la lisière du bois. Un immense ciel argenté s'appuyait sur la plaine, troué par les étoiles. Les moissons sous la paix lunaire ressemblaient à la nappe immobile d'un lac. Il vit luisarner dans la profondeur, par-dessus le déroulement des bois, la crête d'un toit d'ardoise. Et subitement ému, presque défaillant, il s'assit, regarda longuement le toit et la maison. Sa poitrine était battue de larges secousses. Il se disait qu'après tout, sa vie était là sous ce toit. Aller jusqu'à Germaine, passer la nuit à deux, la tenir dans ses bras, comme au bon temps. Que lui importait le reste, c'est-à-dire les gardes, les coups de feu, la mort. D'ailleurs, le plomb qui devait la battre n'était pas encore fondu. Il avait plus d'une corde encore à son arc, et il se mit à rire tout haut dans la nuit, pensant aux meutes qui l'embrouillaient sur ses pistes depuis près de 15 jours. Il se leva, une impatience d'arriver le talonner. À cette heure, tout dormait à la ferme. C'était le bon moment. Il se souvenait d'avoir vu dans le verger une échelle. Il la poserait contre le mur, très doucement, monterait jusqu'à la fenêtre, cognerait aux vitres. Elle se douterait bien que c'était lui. Il lui ferait signe d'être muette. Puis, le temps d'enjamber l'appui, un baiser sur ses lèvres rouges, l'étreinte chaude de ses bras, et l'on resterait à deux jusqu'à l'aube. Une masse noire se découpa sur la blancheur de la plaine brusquement. Des hommes se dirigeaient vers le bois par un sentier longeant un champ de blé. De l'endroit où il était, Cachapré voyait moutonner les têtes et les épaules, sans distinguer les corps, masqués par la hauteur des épis. Ses yeux s'agrandirent alors, et il cherchait à conjecturer leur nombre. À mesure qu'ils se rapprochaient, leurs silhouettes se dessinèrent. Ils étaient quatre. Un des hommes était coiffé d'une casquette à liseré brillant. Tous quatre portaient des sarraux, et comme ils débouchaient, déployant enfin toute leur taille, il reconnut quatre gardes, jeunes et bien découplés. Derrière leurs épaules, des canons de fusil scintillaient. Est-ce qu'il aurait été deviné? Est-ce qu'on se serait mis en tête de le pincer aux environs de la ferme? Pas possible. Cougnol seul savait le chemin qu'il avait pris. Et il était sans crainte sur son compte. La vieille ne le tromperait pas. Bah, on verrait bien. Quatre gardes ne l'effrayaient point, ni cinq, ni dix. Il avait conservé une confiance superbe en lui-même. Tandis que la petite troupe s'engageait dans le bois, il se lança à travers les blés, s'aplatissant à ras du sol et ne se relevant que pour regarder autour de lui. Les gardes s'étaient espacés. Il distinguait derrière les arbres, dans la brume bleue, leur haute stature lentement déplacée. Et petit à petit, ils disparurent dans la profondeur en élargissant graduellement leur cercle. Il lui parut qu'ils cherchaient à envelopper le bois comme dans une traque, en prenant soin de se rabattre vers la partie de la forêt qui avoisinait la ferme. Il ramait à travers les blés, mer verte aux écumes d'épis, de ses bras ouverts et tournant circulairement. L'espace diminuait devant lui. Il voyait grandir le bloc massif que la ferme faisait dans la nuit. Un bruit l'arrêta net. Il pointa la tête hors du champ, immobile. Au bas de la plaine à sa droite, se déroulait une chaussée bordée d'arbres et qui longeait un étang. Le bruit partait de là. C'était le pas cadencé et régulier d'une troupe d'hommes battant le pavé. Mais une épaisseur d'ombre tombant des arbres sur le chemin les lui dérobait. Quelquefois, une tache sombre, compacte, traversait les pâleurs de la lune, traînant à terre, trop confusément pour qu'il pût distinguer les formes. Leur marche ensuite décrue, sembla se perdre en un bruissement de taillis remués. « Ah ça! Est-ce que les gardes s'étaient donné le mot ? Il eut l'idée que peut-être bien on avait organisé une battue en règle. Ce serait par trop bête de se faire prendre dans une souricière. Tapis dans les blés touffus, comme un lièvre, il songea, ayant tout à coup une hésitation. La chair fut la plus forte. Les champs étaient coupés par le sentier qu'avaient suivi les gardes. Une pleine clarté s'abattait là, passage dangereux. Il se ramassa en boule, bondit, et d'une pièce retomba dans les céréales qui bordaient l'autre côté du sentier. Puis, filant à toute vitesse, il recommença sa trouée. Mais les blés finirent subitement, et il se trouva devant un champ de pommes de terre. Cela faisait un large découvert, tout nu sous la lune. Nouvelle ruse alors. Il s'aplatit de son long dans un des sillons. La noire verdure broussailleuse arrondissait au-dessus de lui ses dômes épais. Il se mit à ramper sur le ventre, écartant à mesure la mêlée des tiges. Le silence s'était rétabli dans le bois. La marche mystérieuse qu'il avait entendue du côté de l'étang s'était fondue dans l'immobilité muette des lointains. La haie du potager des hulottes ensuite lui barra le passage. La suivre extérieurement était imprudent. Un garde quelconque, défiant, ou là, n'aurait eu qu'à s'attarder aux accus du bois. Il fit un trou à la haie, se glissa dans le potager, longea la clôture à grandes enjambées, pliée en deux, la tête à la hauteur des reins. Un peu plus loin se massait le verger, séparé des bâtiments de la ferme par un chemin de service. Il y avait là des charrettes, des tas de bois, des souches déchaussées pêle-mêle, et juste à l'extrémité du potager, un hangar posé sur quatre piliers en briques, son toit de tuiles brunes. Cachapré passa devant le hangar, étouffant le bruit de ses souliers. Le souffle profond des vaches à l'étable lui arrivait distinctement, et par moments, un cheval tirait sur sa longe dans l'écurie, piétiné. Un peu de la vie de Germaine était épars à travers ces choses. Il les écoutait, ravi, leur trouvant un accent familier. Il ne savait quoi d'entendu autrefois. Si proche de sa présence, il était pris d'un effarement. Il lui paraissait que la terre tremblait sous ses pieds, sa gorge brûlait. De l'étang montait le coassement rauque des grenouilles. Il demeura un instant sous le charme de cette nuit, doucement en rumeur, comme assoupi. Et brusquement, un bruit lui fit tourner la tête en sursaut, les oreilles tendues. Quelque chose avait bougé sous le hangar. Il n'eut pas le temps de se reconnaître. Une masse sombre se détacha. Deux gendarmes, le mousquet au poing, se ruaient. Il fit un bond en arrière prodigieux, épaula sa carabine, pressa les deux détentes coup sur coup. La double détonation déchira la nuit avec un fracas effrayant, et l'écho, roulant de part en part, sembla éveiller toute une mousqueterie au fond des bois. Les gendarmes n'avaient pas même eu le temps de se garer. Une flamme rouge avait éclaté dans le noir du mur par deux fois, et l'un d'eux s'était renversé en poussant un cri, la face et la poitrine éraflées par une volée de chevrotines. L'autre, alors, avait visé après une forme qui bondissait, lancée comme un cabri à travers le verger. Mais la balle était allée frapper un pommier, et Cachapré avait continué à fuir, dévalant la pente d'un formidable coup de jarret. Le gendarme à son tour se lança, courant de toute la vitesse de ses jambes, alourdi par la pesanteur des bottes. Le fugitif, au contraire, alerte et libre, s'allongeait, gagnant du terrain. Le gendarme fit un dernier effort, puis, voyant que la distance s'accroissait, rendait la poursuite impossible, il s'arrêta, coucha l'homme en joue, tira. Cachapré trébucha. Un choc terrible lui avait fracassé la tête et les omoplates. Il s'aplatit, assommé, sur les mains. Des feux tournoyaient devant ses yeux. Le verger prit une rougeur d'incendie. Sa cervelle s'emplit de vacarme, de bruit de cloches, battant ses tempes à les casser. Et tout à coup, il se releva et se remit à courir du train d'un loup blessé, doublant ses enjambées. Un garde se dressa, lui barrant le passage. Il y eut un commandement rapide. « Merde !» cria le bougre à plein poumon, et faisant gironner son fusil comme une masse au-dessus de sa tête, Il l'abattit. Une voix hurla à quelques pas. « Tue ! Tue !» C'était le gendarme qui arrivait. Le garde leva son fusil de son bras demeuré valide et tira au jugé, sans viser. Cachapré était reparti d'un bond, échappant à la balle qui, cette fois, avait labouré le tronc d'un chêne. Il courait devant lui, à perdre haleine, fouettant les feuillages du vent de sa course. Le sang-froid lui revenait. Il entendait distinctement dans l'éloignement le galop d'une troupe lancée à ses talons. Il lui parut même à la retombée sourde des pieds battant le sol que le nombre de ceux qui le traquaient avait augmenté. C'était un piétinement incessant et brusque qui par moments s'accélérait. Les poings aux hanches, il gravissait les montées, franchissait les ravins, mesuré, élastique, rasant à peine le sol. Il se dirigea vers la droite, ayant un but, atteindre la hutte des ducs. Non loin, un hallier profond s'enchevêtrait de ronces. Il avertirait les ducs en passant et se cacherait dans l'épaisseur du fourré. Ce serait bien le diable si on le pinçait dans cette cachette. Une douleur suppliciait par coups violents son épaule gauche. Toute la partie de son corps, de l'humérus à la hanche, semblait alors se détraquer. Et des aiguillons criblaient sa chair comme piquées à la pointe d'un fer brûlant. Il porta la main à son épaule et la retira visqueuse, pleine d'une chaude moiteur de sang. La poitrine n'avait rien du reste, ni les poumons. Il avait gardé le souffle égal et puissant. Son jarret manœuvrait comme un ressort docile. Il n'était pas prêt de tomber. Et tout secoué de force et d'orgueil, il eut son rire endiablé des grands jours. Petit à petit, le pourchat avait diminué. Il avait entendu partir deux coups de feu, tirés sans doute dans les taillis après quelques silhouettes équivoques. Puis, la rumeur humaine s'était dissoute dans la profondeur, et il avait un peu ralenti la vitesse de sa course, sûr d'avoir déjoué la traque. Elle battait la gauche du bois, égarée sur des pistes fausses. Cachapré arriva à la hutte des ducs avant l'aube. Il cogna. Petite était seule au logis. Le vieux et la vieille à une lieue de là ébranchaient une coupe d'arbres, nuit en sous-bois pour faire les journées plus longues. Et elle le regardait de ses yeux mauvais, furieuse à la fois et ravie, ses cheveux tombant sur ses yeux comme des broussailles. Il demanda du genièvre. Il n'y en avait pas. Sa gorge était sèche comme le dedans d'un four. Il but une large écuelle d'eau d'un trait. Petite tournait autour de lui, inquiète, curieuse, les sourcils tendus. Elle aperçut le ruissellement du sang, poussa un cri, et tout d'un coup, lui sautant aux mains, l'interrogea d'un mot. « Les gardes ?» Il hocha la tête, sentant une douleur insurmontable à parler. Ses dents serrées l'une contre l'autre, il retenait sa respiration, pris de lancures poignantes à chaque gorgée d'air. Il fit un effort, dit en deux mots la lutte, la poursuite, le fourré où il comptait se terrer. « Tu me porteras à boire !» ajouta-t-il. « J'ai le feu d'enfer dans les dents !» Une pâleur plus forte s'était répandue sur sa face. Il chancela. Le cœur de l'enfant eut une belle vaillance. Elle s'élança. « Pose-toi sur mon épaule, je te mènerai. » Il répondit par une bravade. « Ben non, je suis pas un homme. » Et se raidissant contre la faiblesse qui l'envahissait, il sortit, la main crispée autour du canon de son fusil comme autour d'un bâton. Elle le suivit demi-nue, ses maigres épaules sortant de sa chemise, un lambeau de jupe noué autour de ses reins. Et chaque fois qu'il oscillait, elle s'avançait, le soutenant de son corps, qu'elle tendait sur ses tibias secs, déterminée comme un garçon. Ils arrivèrent au fourré. Cachapré éprouva une peine immense à pénétrer dans l'emmêlement des broussailles. Il lui fallut se tailler un passage à coups de couteau, ayant essayé vainement de ramper. Petite, elle, bravement, mettait ses jambes nues dans les ronces, insensible aux meurtrissures, des pans de sa jupe demeuraient accrochés derrière elle au terrible croc. Il alla tomber sur un tertre couvert de hautes herbes. Il était à bout. Il défaillait. Sa plaie, exaspérée par la course, cuisait comme la morsure d'une braise enflammée. Impossible de remuer le bras qui pendait, inerte, avec des ballottements morbides. La balle avait fracassé la clavicule et s'était logée dans les tissus à proximité des muscles du cou. Le sang coulant toujours, il commanda à Petite de lui fendre sa veste à la pointe d'un couteau. Elle obéit. Il déchira ensuite lui-même avec les dents un bout de l'étoffe, puis se rappelant qu'une source sourdait de terre à une petite distance, il voulut qu'elle y trempât ce lambeau. Alors, allant et venant de la source au blessé, elle étancha le sang pendant longtemps. Il s'assoupit. L'aube descendit sur les bois. Elle s'était assise à deux pas de lui. Ses yeux secs dévoraient la rondeur nue de son épaule, goulûment. Ce torse superbe petit à petit la troublait. Des chaleurs passaient dans ses veines. Des tremblements lui montaient aux lèvres. Il se dressa en sursaut, demanda à boire. Un peu de délire se mêlait à ses gestes. Il ouvrait et fermait les yeux rapidement, comme cherchant à se remémorer. Et des exaspérations de douleur sortaient de ses dents. Des cris, des mots lacérés, des hins de torturés. Petite lui apportait de l'eau dans ses mains rapprochées. Cette fraîcheur le calmait un instant. Mais aussitôt après, il se remettait à l'appeler, demandant à boire, toujours, d'une voix rauque et sourde qui finissait en des vagissements. Elle retournait à la source, de nouveau lui collait à la bouche ses doigts humides, et dans les intervalles, se plantait devant lui, les poings sur les hanches, ou s'accroupissait, ses deux mains enfoncées dans le crespellement de ses cheveux. L'épaule avait gonflé. Autour du trou béant et rouge, la chair s'était haussée en bourrelet violâtre. Le soleil du midi tomba sur cette chose douloureuse, comme une grêle de feu. Alors il se fit traîner du côté de l'ombre, hurlant à chaque secousse. Bien que Petite le tira très doucement, et quand il sentit enfin passer sur sa chair enflammée la fraîcheur des feuilles, il lui prit les mains, la regarda tendrement, murmurant « Qui m'aurait dit, chère, que t'aurais été la dernière auprès de moi ?» Oh, je m'en vas, sans que je suis fini. Tu diras à la vieille As, pour qu'elle le dise aux autres, que c'est les gardes qui m'ont foutu le coup. T'iras aussi à la ferme, et tu feras mes compliments à ma bien-aimée. Crédier, tu lui diras. L'âpre soleil de la veille avait repris carrière dans le ciel. Il gerçait la terre, et rôtissait les feuillages, noirs comme la désolation. Dans le fourré, les ronces crépitaient, les buissons pentelés, une torture allait du sol à l'homme. Cachapré râlait sous les feux qui s'attachaient à sa plaie, la fouillait comme une bête. Vivant, il sentait sa chair se décomposer dans la fermentation universelle. Des soifs effrayantes desséchaient son gosier. Petite était sans cesse obligée de courir à la source et d'en rapporter de l'eau, mais ses doigts ont laissé filtrer la moitié. Il lui montra sa poire à poudre. Elle la vida, s'en servit comme d'une coupe, l'approchant elle-même de ses dents. L'eau coulait en lui avec la douceur d'un baume, lui donnait une seconde d'apaisement. Aux heures accablantes succédèrent les heures tièdes. L'ombre sembla monter du pied des arbres. Un poudroiement d'or dansa dans la lumière rembrunie. Et solennellement, le soleil entra dans les gloires du couchant. Dès ce moment, les paroles se firent rares entre Petite et lui. Des râles lui déchiraient la gorge, plus pressés à mesure que s'avançait la nuit. Et elle continuait sa garde rigide, oubliant le boire et le manger. Elle, la maigre louve toujours affamée. Mais ses entrailles avaient beau se tordre et crier, elle le veillait avec la fidélité du chien. Immobile, sans penser à la faim. La gravité du soir enveloppa ce groupe farouche. Quelquefois il se dressait et implorait la mort. Ces coyons, ils auraient dû m'achever. Je suis pas un païen pour souffrir ainsi. Sa tête retombait ensuite, pesante comme le plomb. Il faisait des gestes de combat, croyant voir des silhouettes hostiles, et ses gestes étaient encore redoutables. Ou bien, il prononçait le nom de Germaine. Comment savoure une volupté, un fruit, lentement, profondément, de toute la tendresse de ses entrailles. Répétant ce nom, 100 fois, avec la douceur triste d'un bégaiement. Et petite, alors, était prise de rage, caressant dans sa cervelle sauvage des idées de représailles contre cette fille riche qui le laissait crever, là. Une mansuétude flotta dans l'immensité bleue. L'air était comme de la paix et de la bonté mêlée à la création, par-dessus la majesté des futaies. Et un vent caressant frôlait le dessous du ciel, mystérieusement secouait les feuillages, pareil à des bras tremblants qui cherchent à s'étreindre. Le hallier frissonnait dans une nappe de clarté brillante, la source égouttée d'amoureux sanglots. De noirs buissons s'animalisaient d'un brillant de fourrure, onduleux et fourmillant. Autour d'eux râlaient d'ardentes rumeurs. Les faunes aigrement clamaient à la lune. La nuit faisait aux noces cachées dans ses replis la charité d'un grand ciel éblouissant. L'agonie traîna jusqu'à l'aube. De ses mains furieuses, il avait arraché ses vêtements. Ses pectoraux s'étalaient à nu, carrés et velus. Et petite regardait sa fauve virilité graduellement s'éclairer sous la blancheur du jour. Puis, ses yeux remontèrent jusqu'au visage du bagode. Un rictus courroucé lui donnait l'air menaçant d'un ennemi sur le qui-vive. Sa bouche tordue découvrait ses dents qui semblaient prêtes à mordre. Et tout à coup, ses yeux s'agrandirent. Que regardait-il? Voyait-il poindre à la cime des arbres le jour qu'il avait vu se lever si souvent? Une aurore éternelle s'allumait-elle au fond de cette aube d'un jour d'été? Ses prunelles s'étaient remplies du reflet vert des feuillages. Il se mit sur son séant, fit un grand mouvement, regardant toujours cette chose que seul il voyait. Et comme le premier rayon jaillissait par-dessus la bordure, des nuages roses, glissant comme une flèche sous les ramures, il retomba de tout son poids, la tête en arrière. Les arbres balançaient leurs branches d'un rythme lent qui gagnait de proche en proche. Les oiseaux chantèrent au fond des feuillets et comme une psalmodie, un murmure immense traîna le long des taillis dans l'allégresse du matin. Petite regardait, ne comprenant pas. Elle vit s'immobiliser sa face et ses yeux grands ouverts s'anéantir dans une contemplation sans fin. Puis, la bouche crispée par les râles reprit sa forme habituelle et lentement, une sérénité, une grande joie muette descendit sur le front. Elle le crut endormi et l'appela. Il ne bougeait pas. Elle mit sa main sur sa chair, légèrement. Déjà un froid horrible la durcissait. Alors, furieuse, elle le secoua de toutes ses forces. Son corps d'une raideur de pierre se mut d'un bloc. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Elle se pencha sur lui, l'entoura de ses bras, l'embrassa de sa bouche chaude, se sentant envahie par l'amour. Des formes de bêtes crevées s'étaient rencontrées sur son chemin, raides de cette même rigidité. Elle ne versa pas une larme. Elle s'accroupit au long du corps, son maigre bras passé autour de la tête. Et face à face, pendant tout un jour, elle plongea aux prunelles vitreuses ses regards aigus et fous. Elle le contemplait avec hébétement, et puis de nouveau, ses mains ardentes le caressaient. Ça lui était égal qu'il fût mort, puisqu'elle le possédait. Son sournois désir de vierge, qu'il lui avait fallu rentrer si souvent devant lui, quand il était en vie et la faisait sauter sur ses genoux, sans rien voir ni comprendre, à présent se débridait sur ce cadavre qu'il a laissé faire, impassible. Et redevenant hardie devant cette complaisance du mort, elle le mignotait, l'étreignait, brutale et tendre, sans horreur ni dégoût. Un chat sauvage vint à la tombée de la nuit, attiré par l'odeur. Elle le chassa à coups de pierre. Des corbeaux ensuite se perchèrent sur un arbre voisin, et là, croissèrent, graves, comme les juges d'un tribunal. Elle cria pour les écarter. Elle rentra à la hutte, ne dit rien au duc, gardant pour elle jalousement son secret, et partit le retrouver au matin. Des jours s'étant écoulés, elle vit une chose horrible. La plaie lentement se mouvait, une ondulation lente qui ne cessait pas au milieu des sanies devenues de la vie. Avec, elle ne savait quoi qui ressemblait à un geste. Au geste de cet homme tombé là, écloué à terre, du clou indécrochable de la mort. Elle poussa un cri et s'aplatit sur les mains, la tête dans les herbes.